Tu connais la valeur de l'argent quand t'as touché le fond, ya yeah, ya. Yeah. Et la vie c'est une question de choix pour des résolutions, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Et j'ai tellement zappé de pages que ça en a fait des livres, c'est pas nouveau. Pour faire entrer du cash souvent faut prendre des risques, amigo. Pas d'histoire de cœur, plus de love. J'ai perdu trop de drogue pour du mauve. Tu sais le temps passe en bas du bloc, bloc. À force on devient parano. Combien de mes frères sont détraqués. Y'a pas de bourrée si j'tombe à l'eau. Personne n'a tendu la perche quand j'voulais grave. Elle m'appelle bébé parce qu'elle sait que j'fais des sales. L'argent ça vient, ça part, ça fane comme une fécale. On vit, on meurt qu'une fois donc laisse-moi faire mes balles. J'suis dans une bête de filon. Inspecteur connaît pas la mélo. J'ai croqué la mive comme Fillon. J'pense que tu vas pas dormir jusqu'à l'aube. J'suis dans un bête de filon. Inspecteur connaît pas la mélo. J'ai croqué la mive comme Fillon. J'pense que tu vas pas dormir jusqu'à l'aube. C'est ceux qui vivront qui verront. Belen, tu peux finir sur le carreau. Tu sais que mon regard en dit long. Faut bien énerver comme Gennaro. On fait tout ça puis minou. Fuck Mbila dans un moteur en verre. Dis-moi c'est quoi cette ville là. Beaucoup trop d'erreurs qu'on peut plus effacer. Son bon cas tiré sur ma dope. Chez moi les murs ont des oreilles. Que des seringues en bas du bloc. Plus personne quand ça part en guerre. Au comico dis pas un mot. Pas vu pas pris c'est la règle. Encore un achat chez Gucci. Mais bon j'en pense à quand c'était la reste. Personne n'a tendu la perche quand j'voulais grave. Elle m'appelle bébé parce qu'elle sait que j'fais des tailles. L'argent ça vient ça part ça fane comme une.